Cette introduction vise très modestement à poser le cadre, à poser l'époque brièvement, sachant que contrairement aux introductions des séances LIP ou féminisme qui ont été assurées par des spécialistes de cette question, je ne suis pas, il n'y avait pas parmi nous de spécialistes de la question écologique. Alors, bien sûr, l'écologie, c'est une notion à dimension multiple. Et nous avons un peu hésité, nous nous sommes interrogés sur le fait de l'envisager dans sa globalité ou à travers une lutte précise. Nous avons finalement privilégié l'aspect mise en relation de différents enjeux, de différentes mobilisations, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une notion, l'écologie, dans laquelle tous les acteurs invités ce soir ou concernés et ayant fait de la vidéo sur ce thème ne se seraient pas forcément reconnus à l'époque, ne seraient pas forcément revendiqués comme écologistes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne se reconnaîtraient même pas forcément aujourd'hui dans cette notion ou en tout cas dans les organisations principales qu'il incarne. Donc il ne s'agit pas de les affilier d'autorité à l'écologisme militant. D'autre part, et à ce sujet, je voudrais rappeler une chose qu'on a entendue dans la séance précédente consacrée au féminisme de la bouche de Nadia Ringard. Je cite approximativement, on ne se disait pas à l'époque qu'on allait faire une vidéo féministe, on réagissait à une situation. Et la chose est tout aussi vraie ici. Il y a à cette époque un ensemble de situations qui provoquent des mobilisations collectives. Ce sont les implantations de centrales nucléaires qui répondent à un programme de l'État. C'est le gel d'un territoire au profit de l'extension de camps militaires, notamment au Larzac, mais pas seulement. Ce sont des pollutions, c'est un programme autoroutier important, etc. Et les mobilisations qui se constituent à l'encontre de ces grande structure de ce programme de grandes méga-infrastructures, comme disait tout à l'heure Sébastien, elles ont en commun de se définir donc en opposition à des décisions autoritaires prises d'en haut et des décisions qui menacent les habitants des régions concernées d'expropriation, d'arrachement à leur territoire, de destruction de leurs conditions de subsistance ou même d'un danger mortel définitif et sans retour. Le point commun des vidéos et des films qui vont être étudiés lors de cette séance, c'est qu'ils se rejoignent dans la prise de conscience de la nécessité de se battre pour préserver les conditions de possibilité d'une vie pour l'homme dans le monde, d'une vie et pas seulement d'une survie, mais d'une vie de qualité. Alors, pour poser ce contexte global, quelques dates et événements clés concernant trois grands domaines de mobilisation, le nucléaire, le Larzac et les extensions de camps militaires, les pollutions. Le nucléaire d'abord. À la fin des années 60, EDF s'engage dans la production d'électricité d'origine nucléaire. Après Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux, c'est à Bugey dans l'Ain qu'est bâti un premier réacteur en 1969. C'est là que démarre en 1970 la première mobilisation populaire contre le nucléaire, semble-t-il. En 1971, une marche y réunit 15 000 manifestants. Et le gouvernement accélère l'équipement électronucléaire de la France à partir de 1973, ce qui suscite donc de nouvelles résistances. À l'usine de retraitement de la Hague à la pointe du Cotentin, les salariés et les riverains s'inquiètent fortement des dangers d'irradiation. On peut ici évoquer un film, hein, « Condamné à réussir », de François Jacquemin, 1976, qui parle de ce sujet. La péninsule du Cotentin continue pourtant à se nucléariser avec le lancement d'un programme de tranches de réacteurs à Flamanville. L'affaire n'est pas close aujourd'hui, comme vous le savez. En juillet 1977, nouveau temps fort des mobilisations, cette fois contre la centrale expérimentale à Crémalville. Plusieurs manifestants sont sérieusement blessés et on en compte même un mort. La Bretagne, elle, se mobilise avec succès à partir de 1978 contre la construction d'une centrale à Plogoff, mais aussi avant cela à Erdeven, chose moins connue comme on le verra avec vidéo 00 tout à l'heure. Le danger de catastrophe massive présenté par le nucléaire civil est associé à une image, celle des destructions de Hiroshima et Nagasaki, et je crois que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. L'un des arguments frappants de la contestation du programme nucléaire civil, c'est que le nucléaire civil n'existe jamais sans sa dimension militaire. Et en France, on peut repérer facilement le parallélisme, voire les origines communes entre les chronologies des programmes civils et militaires. Deuxième grand domaine de mobilisation, donc le LARZAC. En 1971, Michel Debré, ministre de la Défense, décide l'extension du camp militaire du plateau des LARZAC. Au départ, l'affaire paraît entendue. Au prix de l'expropriation d'une centaine d'éleveurs de brebis qui font figure d'attardés sur le plan économique et sur le plan des conditions de vie, les autorités locales d'une région qui est victime d'une désertification progressive espèrent qu'il y aura des retombées positives du développement des activités militaires d'entraînement. Les éleveurs de brebis mobilisent d'abord localement au nom du droit à vivre de leur terre. Puis, dès 1972, la contestation s'élargit en fédérant de nombreux militants antimilitaristes et elle prend aussi une dimension de résistance culturelle régionale avec les occitanistes, entre autres. En août 1974, plus de 100 000 personnes convergent sur le plateau. Les éleveurs font deux marches sur Paris en 1974 et 1978 et font connaître leur cause à chacune de leurs étapes. L'arrivée de la gauche au pouvoir leur permettra d'obtenir l'abandon du projet. Il est à signaler que le LARZAC n'est pas seulement un mouvement de masse, même s'il a été, il fait figure aussi à la fois de grands moments fédérateurs de la contre-culture et de lieu d'expérimentation d'une démocratie directe par l'organisation de la prise de décision. Troisième domaine, plus brièvement, les pollutions industrielles. On va citer seulement les deux plus notables de la décennie. Celles qui ont eu le plus d'écho en France. En juillet 1976, à Seveso, en Italie, l'explosion d'un réacteur de Licmesa répand un nuage de dioxine sur la zone. L'un des composants de la dioxine est bien connu pour sa dangerosité, puisqu'il s'agit de l'agent orange utilisé comme défoliant par l'armée américaine au Vietnam. Toujours les résonances aussi avec les questions de guerre. Donc l'événement résonne fortement dans l'opinion française, même s'il a lieu dans un pays voisin. En mars 1978, autre catastrophe importante, le naufrage du pétrolier à Moko Cadiz, travaillant pour Shell, entraîne une marée noire dévastatrice sur 400 km de côte bretonne. La destruction de l'environnement menace les conditions d'existence des marins-pêcheurs, notamment, et suscite une grande colère des habitants. Alors, au-delà des groupes qui se mobilisent, qui naissent et qui disparaissent avec une mobilisation locale telle que celle dont j'ai parlé là, la prise de conscience des menaces montantes sur l'environnement dans les années 70 se traduit par la structuration d'un milieu militant qui est fait d'un bouillonnement associatif et d'un ensemble, d'un bouillonnement aussi de publications spécialisées. Pour mémoire, rappelons que c'est en 1968 que la vénérable Société nationale pour la protection de la nature impulse l'union de toutes les associations de protection de la nature, d'où naîtra France Nature Environnement. Mais l'écologisme naissant se situe dans une perspective autre que celle de ce type d'association, que celle des protecteurs de la nature et des paysages. Ce qu'interroge l'écologisme naissant, c'est la place et l'avenir des hommes dans un monde aux ressources finies. C'est une interrogation qui connaît un large écho en 1972 avec le rapport du Club de Rome « Halte à la croissance ». Et c'est une interrogation en fait radicale sur le fonctionnement de la société, sur la croissance indéfinie de la production marchande en tant que valeur de cette société. En 1970 naît l'association « Les Amis de la Terre » qui compte parmi ses parrains. C'est intéressant, je trouve, de voir aussi les parrainages intellectuels. Claude Lévi-Strauss, Théodore Monod, Conrad Lorenz et Jean Rostand. Et elle entre dans l'arène politique, cette association, en soutenant la candidature de René Dumont, grand spécialiste du développement agricole en France et dans les pays sous-développés, aux élections présidentielles de 1974. Brice Lalonde est son directeur de campagne. Et il obtient un score finalement pas négligeable pour une première candidature de 1,32%. L'un des soutiens majeurs à sa candidature est venu de l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, qui a été créée en 1969. Et parmi les figures saillantes de la presse écologiste radicale, et pas seulement environnementaliste, on peut citer Pierre Fournier, dont on reparlera tout à l'heure. Les publications spécialisées par ailleurs SM, on en verra peut-être quelques-unes à l'écran, articulant critique du développement destructeur et promotion de solutions alternatives, dont certaines ont un caractère expérimental, recyclage, agriculture biologique, maisons autonomes, éoliennes, solaires, etc. Alors la problématique de cette séance qui, une fois posé ce cadre politique, social, culturel, général, vise à interroger véritablement donc, des vidéos et par comparaison des films. La problématique de cette séance donc, elle est organisée, on peut l'organiser autour de trois axes. Premier axe, des questions relatives à la diffusion de l'information, à la mobilisation des consciences. Comment populariser ces causes nouvelles ? Comment passer du soulèvement d'un territoire, d'un fait local, en raison d'une menace directe qui pèse sur lui, à une conjonction des luttes qui repose sur la prise de conscience des intérêts communs au niveau national et international. Comment voulait-on, entendait-on, passer de la contestation de décisions autoritaires, productivistes, à un intérêt véritable des populations pour des solutions alternatives qui soient décentralisées, frugales, économes. Et d'ailleurs, je me demande, au sein même des collectifs, est-ce que leurs membres partageaient les mêmes positions sur ces questions encore toutes neuves? Enfin, peut-on estimer quel succès eurent ces vidéos, à la fois celles qui visaient à populariser les contestations et celles qui exploraient des pistes d'alternatives durables, celles qui faisaient de la prospective. Deuxième grand axe, la question des points de vue. La problématique écologiste ne doit évidemment pas être réifiée comme une espèce de grille de lecture constituée, surtout à cette époque où la prise de conscience est naissante. Les grilles de lecture sont bien sûr diverses, on va le voir, les vidéos d'ADP, me semble-t-il, mettront l'accent sur la solidarité internationale des peuples, le contrôle ouvrier, celle de Vidéo 00 sur la démocratie directe, le refus de l'emprise des experts patentés sur des questions qui sont en fait politiques. Voilà, des choses, des jeux d'opposition que je dénonce de façon très schématique, bien sûr, très grossière, mais qui visent à expliquer de quoi je parle, cette question des points de vue. Ce sujet, d'ailleurs, doit être envisagé de manière dynamique. Je pense qu'on n'a pas le même point de vue sur la question, sur ces questions au début des années 70 et à la fin. C'est justement pour privilégier un parcours dynamique sur ces questions, pour voir le parcours un peu intellectuel et pratique de nos invités dans la continuité de cette décennie, que nous privilégierons une prise de parole en un seul tenant, permettant effectivement de couvrir tout le sujet plutôt que par des confrontations alternées. Et puis, troisième grand axe, la question de l'adéquation de la technique aux propos. Sans vouloir trop forcer le trait, parce que c'est toujours risqué d'engager ce genre de piste de réflexion, on peut voir comme une adéquation entre la technique vidéo et le sujet, d'un certain point de vue. Est-ce que la vidéo, on peut se demander si la vidéo n'épousait pas dans son économie même, dans son économie légère, un idéal de frugalité, de retour à une vie simple, d'échange non économique, et aussi de facilité d'appropriation des techniques par tout un chacun, contre justement l'accaparement par les experts. Dans la vidéo sur le groupe héliothermique de Jussieu qu'on verra tout à l'heure, on assiste à la rencontre de deux dispositifs légers expérimentaux, la vidéo et le chauffe-eau solaire, l'un filmant, l'autre filmé, qui est quand même pour moi comme un des moments comme ça emblématiques où cette question surgit. Voilà, et puis sur ces trois familles de questions, question des points de vue, question de la stratégie pour toucher le public, question de l'économie du média, il sera instructif, bien sûr, de faire une comparaison avec des pratiques cinématographiques argentiques, et ça sera pas tout l'intérêt, mais l'un des intérêts du propos et de la venue de Serge Poljanski, qu'on remercie beaucoup, comme nos trois autres invités.